Vous écoutez FM Espoir. FM Espoir. Fermez les yeux, ouvrez votre cœur. FM Espoir vous conduit dans un moment d'adoration. FM Espoir, la radio des adorateurs. Encore me fais grâce. Je veux daigne encore me faire grâce. Je veux observer ta loi au consol et soutiens-moi. Dans ma douleur sans pareil, vois la misère où je suis, et soulage mes ennuis, mes ennuis. Fermez les yeux, ouvrez votre cœur. FM Espoir vous conduit dans un moment d'adoration. FM Espoir, la radio des adorateurs. Cette musique est à consommer sans modération. FM Espoir, la symphonie divine.